Corona beat. Chaque tête, chaque esprit, chaque peuple ni qu'il t'y aille, qu'il taille. J'ai vu une technique ancestrale, le cas miné la lit dans les musiques qui traversaient les siècles. Moi savent que chaque siècle du diesel. Pour un cabrit, changer en technique, si bois tous les par les PC. Beatbox, c'est pour la gel, sauver les peines, nous chaînes. Depuis les chaînes, les grèves, passer pour les skis. Alors ça pâtisse, l'un et nous battre PC, poté. Passer le haut choc, c'est le haut chain wash, plus que jamais. Fourrer tes glocks qu'on bloque, vite et solide, pas ni de bonne, pas ni de rush. C'est toi d'où vous êtes, c'est né pour sauver. Vaillant, pas les courir, solide qu'on voit qu'on pêche, pas qu'à pourri, c'est rété inique, vous faites vivre. Plus encore là qu'on fait musique, qui pas festif, qui pas tout touriste, c'est conçu qu'on prend les saiyans et les arbres, guérillant des voix, coumé à Guinègue. Placata, fais yo vrai vieux nègre, gla, placata, c'est coumé à Guinègue. Fais yo vrai vieux nègre, gla, gla, gla, gla, placata, c'est coumé à Guinègue. Fais yo vrai vieux nègre, gla, gla, gla, gla, gla, placata, coumé à Guinègue. A don selvi, pas qui peut voir tout. Toucher l'horizon, c'est un fil qui pas cabout. Faut pas opérer de foi, si la route que joue un doute. Pour mener la lutte, faut l'esprit là toujours doubout. On sait le monde éveillé, longtemps pis dangereux. Qui mille t'es belle là, ou pas arriver gérer. Ou pas arriver avant liberté à pour t'y bref plus viande. Mais pis go l'ennemi a un bel bien en dit dans. Ante j'agirai, ante qu'elle descend au next stop. Qui répéché en moins bien propre au desktop. Prends bol à bon moins et pas chambé ou vine. Mais combat la pas fine, même si vous mettez en sourdine. Si voilà un dit dans un genre persistant. Petit garçon, toi qui en vivant, on doit être résistant. C'est pas fou qu'en vivant bistant, qu'on la reste qui absent. Et nous toujours à don, l'éternel recommencement. C'est coup, c'est coup, mais à vilègue. Fait yo vrai vinaigre là. C'est coup, coup, coup, mais à vilègue. Fait yo vrai vinaigre là. C'est coup. Mission ka fun, putain. Pour comprendre qu'elle est de l'eau du bout de pon. Coco, caco, musique, rap. En pas attendre trop longtemps pour un peu fête. En moins déjà, petit pour faire l'argent. Déjà qu'attendre boîte en moins. En sentiment, en allo. En atterri, carinage, goulant, go voitillant. Mais surtout respecter ka boîte en moins. Ou ma vie qui sortit amputation. En lyrical, que j'espère m'en fait thorax sans consommation. Je sais, dans la vie, malgré les péripéties. Si c'est marché avant courir, tous les jours en cassouri. Chaque moule joue dans chimène. Toujours capoté, on putain. Ça vend dedans, on pliche. Ou ni tout ça qu'est au besoin. Ça quand moi en joue en moins qu'il tient en moins à trois. Chaque pas que mec a fait la poupée. Bon moins ballant jeunesse en mouvement. Le nage à pitié et puis grand. Si nous tout gagnons ma foi. Fait premier tout vent. Nous voilà pour la monnaie sans. Hey yo. Hey yo. Rap Creole. Oh yo yo yo yo. Calme. Sway. Sway. Sway. Rete point. Zéro yon trois, rap créole toujours vivant. Violé ou pas, toujours là pour faire mes tchels méguisants. Rete point. Tu prends l'objet pas l'homme, t'y pis c'est pas femme. Valais nous c'est gros et sans dire, c'est tout l'âge pour femme. Rete point. Bouge ton fou comme le coulé, gros béga. Tu prends monopole, les caboulés, comment les chroniques à jouer. Rete point. Rete point, il dit où, venez rete point. Créole en mettant tête sans coup. Comme quand on voit ça, t'es ça, ça qui est ton lit. Ni mon pays, mi code là, qui est pun, ça qui est pun lit. Le président pour réa, qui a poussé Martinique. Quand il met grâce, il pousse au rêve, il est pour pas sans l'esprit. Check lui, y'a un démo 4 lyrics pour rien qui vérité. Si couillon a tes héritages, c'est bien moi, y'a des hérités. Pas qu'à ton peuple là pour couillon, c'est pour ça, bah c'est pas qu'à check moi. Tant tes pigeons et tout seulement raché zèle moi. Visi moi, pas besoin de changer, c'est pour l'aider à carré. Jalousie, arrêtez, freinez moi, sa vie pas comparé. Côté, ou jaoué mouton, négocier puis lourd. Pas qu'à peser pour un plim, pas de ma cafine ni poil lourd. C'est pas black. Ta plaque a fait, ta sous beat fat fait. Kala Jepal fat fat. Kika bon, kalot la en tête. Wote a ka monte vite, oui normal si ou déchire. Mais son moins c'est Chebe Mike là, pêche mou dans l'île. Rete point. Zéro yon trois, rap créole toujours vivant. Violé ou pas, toujours là pour faire mes tchels méguisants. Rete point. Toi l'homme c'est pas l'homme, t'y pis c'est pas femme. Valais nous c'est gros et sans dire, laissez nous la Jepo femme. Rete point. Bouge ton fou comme le coulé, gros béga. Tu prends monopole, les caboulés, comment le dernier gars tu m'as tapé. Rete point. Rete point, l'usio, venu rete point. Rete point. Rete point. Rete point. Adonan mwen mwen CD deuxième non affleurant moi. Je demande des mêmes Oli Messi. Si mais tous les forts qu'on Messi. Fais bon dégâts Omega efficace qu'on gros missile. Bétaillé tes temps qu'on Black Mamba. Attends qu'il bille ici. Catcher Belagna qu'on migrate. Big méthode à respect. Ce qu'on boit respect qu'on désespérait. Promotionné, passionné au diapason qui ni level. Plutôt que bien gamelle. Aussi net qui dit la guerre gamelle. Créolique, consomme ma tête créole sans modération. Ajouté à sa rap là, ça qu'a fait rap créole pour passion. Action, mi mauvais ish, attention danger. Val d'océ à colis point, ou à claquer explosé. Negoshima en tête zog, 10 oreilles tachées senti. La vie nous crase, Mike là, toujours cassement petit. Nous pas pétade, pas fait péter tête à mascarade. Nous rappelons y battre de chez Bad, hein, mais toi déjà. Toujours pour un 0-1-3, rap créole toujours pour un rire. On est ou pas, toujours là pour faire mes chill, mes guises. Le problème c'est pas l'homme, dit qui c'est pas femme. Allez, nous c'est gros et sans dit, laissez-nous là, j'ai pas faim. Bouge tout fou comme le coulé, comme le gâteau. Comme le poli, comme le gâteau. Comme le gâteau, comme le gâteau. Comme le gâteau, comme le gâteau. Comme le gâteau, comme le gâteau. Comme le gâteau, cal tes flots, cal tes blots. Fais des concours là avec des cal tes mots. On y voyait qu'aux autres, on s'est monté haut. Cap crédit en mettre, cap vini mettre ça haut. Crier des commandes, mauvais ish. Avec J.O. Aldo. 2013, je vais Europe. Mettez la fuck, allez la sas. Sous comprendre que nous la bouche. Genre connecté, chroné, gopard. Et pour faire des côtes, talent cap aller. Talonné, slalomé, ballonné. Qu'on bout d'un bouddha. Allez, que t'es poigné, écoutez ça. Hey yo. Pas courir qu'on flash, fais du bon temps en pièce. C'est un squash, les rigolotes, c'est un fresh. Qu'on glace, on déterre. Le manito, appelle l'entend, yo, bon, nous ça à l'envers. L'entend, nous bon, pas la peine fait ma chilou quand tu as du fils. Calvèche, ça y est, calvèche, c'est la fraîche. Prends l'étiquette, rouge à clean le vis. Flip flap à la boomba, rap la cabam bon tap. Ta flac a fait bluff, la pas fait nous pas mon net flow à mon net. C'est point 0-1-3, rap réel toujours vivant. Guillonné ou pas, toujours là pour faire mes chels, mes guisards. C'est point. Toi l'homme, c'est pas l'homme, t'y pisez pas fond. Spécial hip-hop créole dans Conne & Ambi. Vous venez d'entendre, pour démarrer l'émission, l'inédit de la réédition de l'album de Star G, Exos, Goumé Avienneg, avec en featuring Kibi et McFla. Et à l'instant, un autre inédit, Mauvais Ish et Waldo de Martinique. Rete Prince, inédit à venir sur leurs albums solo respectifs. On va clôturer cette sélection d'inédits avec le tout nouveau titre de Williams Café, Prince Cool. L'homme, hebe la jol pour escal. Paille l'école, chire tête à whippy, fait corps, plaisir. Bon dieu piti, mettre confiance à moi, donc gun qui plein balle. Babé vent qu'a poussé, ouvé son riz qui rose. Depuis on est là, j'en vais, et kill et là, toute forme qui tombe. Les graines qui pédit, t'es si méhant dans un tête innocent. Obligé que l'air y pousse, tout fouillé ni en goussant. C'est comme ça fait scamene. Passer des gamma qui l'ont faisé aller par un coulé. Pété casa mon bonne que yo qu'a travaillé roulé. Un véhicule qui vole. Pour vous qu'a voué nous aimé en vie dans tes temps plein la fumée. Nouveau police ou qu'a kime. Nouveau conseil ou qu'a chipé. Essoufflé ou sorti bon un vol à la rime. Et des ailes à j'accoupé. Un bracelet en chibillon. Pour vous qu'a contrôle. Mais prenez cool. Going cool, going cool, man. Going cool, going cool, going cool, ouais. Going cool, même si on a joué la vie. Quoi, mon ami? On avait qu'à jouer avec non. La jolle pas qu'à faire paix encore. On a joué à cache-cache et la mort. Mais si on joue à faire face à face, si moi qui est mon kick et paix. J'avoue ou ni raison. Système là pas bon non. Mais si nous tout est qu'avec vous. Pour l'amitié qui est braque et tirer, pique et tirer. Laissez famille traumatiser. Que les gars mon team on nous s'en foutait. Ou pas qu'à calculer. Nous les Guadeloupe, si mal nous pas américain. Ou qu'à admirer yo. Mais yo même savent qu'existe. Mon en cas persister, cool up, prends cool messi. Prends cool, On nous prend un coup au moment, coup l'autre. Nous ni madame, nous ni timoun, vous aussi ou ni tao. Vous suivez? Priez, mandez bon Dieu force, mandez bon Dieu courage, mandez yola pour aïe. Pascal est la main, nous peut pas. C'est le mois de juin, tous les dimanches du mois de juin, dans Conelambi, de 16h à 17h, Radio FPP. On consacre l'émission au hip-hop créole, spécial hip-hop créole. On remercie encore tous les artistes qui nous envoient leurs morceaux pour qu'on puisse les jouer. En l'occurrence, Waldo, Mauvaisiche qu'on a entendu, inédit, l'album n'est pas encore sorti. Williams Café qui a sorti ce son cette semaine et qui nous l'a envoyé en réaction à toutes les montées de violence gratuite et autres en Martinique, en Guadeloupe. Et en tout premier lieu, c'était Star G Exos. 10 ans après l'album Wash Goumé à Vienneg, ils ressortent l'album en numérique avec l'inédit que vous avez pu entendre. Et on va continuer l'émission tout de suite avec notre invité. Il est dans les studios, il est là aujourd'hui. L'homme s'appelle Cool 16. Il est là pour l'album Opération Red Faya. Et on va démarrer tout de suite avec un extrait de cet album, La Caille Tonton. Miolo Toko Zodiac là. Miolo Toko, Miolo Toko. Oh, Miolo Toko. Quoi de l'ambi? Abonne-moi. C'est Toto. Abonne-moi. Milim, rap mais pas contre les autres, j'adoue pas jouer et puis ça. Criez-moi Toto. Si ou pas qu'à songer ça, bah qu'un photo à la page. Parce que j'apprends trop pris ça, la caille Toto. Rap créole bagon, non mec, ça qu'a couché ça. Rap mais on savait, ni on l'a dit qu'il y ait des sorties. Rappel pour la mémoire, rap mais pas pour adolescent. Rap mais qu'a dit la vérité, ni dit parole à méditer. Ok, brille le tchou, si c'est ça, on mérite. La caille Toto, pas dit squatter, ça qui dit c'est des acteurs. Sous quoi pour effacer, on peut passer en bas, on tracteur. On big up pour les chiffres, on sous le terre. Fais bon chiffre, ça nécessaire, ça pas un mystère. Ça qu'a brille, on l'a même pas gardé, il peut qu'il tourne. On passe à qui ça ou fait, puis l'on met on. Pas que chèque, mais sous quoi pour me dégager bagaille. La caille Toto, moun baka sniffé raille. Si y'a bien la caille Toto, faut où ça dit bonjour. Quoi de mon ami? Promets, Britton, Bali, Briston. Pas de passe vieille et puis pour autre la bla. Rap me ka vieille trop de Congo cognac. Et qu'on riche pas au même si on pas ni bon tchak. On ka respecte tout débrouillard ka tchak koyo kulcha. Mais c'est ça qui richesse mais on pas quitte yon souk la. Sous les sens c'est là, dis-nous on sorti on savent. Ça qui la vie red, rap me pas ka moti Toto. Rap me vivant mais il pas ka suivre le monde. On ka tout libre franchement c'est les anciens qui ont la prode. Ça nous a fait c'est ça qui l'homme aujourd'hui. Plenty bolom les joue au body. Rap me siré, radouli pour apprendre au parcours. Haïti, combattez, averti. La caille Toto c'est pour un public averti. La porte fermée pour les esprits qui trop petit. Si y'a bien la caille Toto, pour tout ça dit bonjour Toto. Pour les Britons, Mali, Pisson. Pour tout, t'es bien la caille Toto. Pour pas carré, pas con. Rap me fait pour goûter la nuit, pour ça qu'à vivre la nuit. Rap me ni 20 ans, pourtant c'est ta yo qui ni arthrite. Ta yo qui ni arthrose et puis rimatise. Parce yo bon boda yo ba capitalise. La caille Toto nous pas qu'à check récupérateur. Vom pa yaka si c'est 20 pour aspirateur. Nous qu'à marcher libre, on check ou on tête. Ça qui les ouais nous pète donné pour poyon. On sait le but à atteindre. On la vie meilleure et puis éviter problème. Même si toujours ni yon. On fait pas qu'à check pièce, puis on a mis qui n'est aux yeux. Plus on a qu'à finir dans le brasier. Ou savent nous sirènes. Nous pas qu'à faire la fête. La vérité, même si il faut formal, nous pas tout les direct. Crie-moi, tonton. Savent tonton pas qu'à faire. On a pratiqué drunken master style en rap créole. Si, y'a bien la caille, tonton. Les pieds au lacaille tonton, à l'extrait, à l'instant, un morceau qui, je pense, introduit, présente bien le personnage. Bonjour tonton. Oui, bonjour tout le monde, bonjour la famille, Colombie, big up. Cool 16, tonton, qui est Cool 16, qui est tonton, ça vient d'où tout ça? En fait, Cool 16 est tonton et tonton est Cool 16, alors il faut expliquer bien les choses. Je suis plus un jeune de 20 ans. Ça fait quand même un certain temps que je fais du rap. Donc, j'estime, sans prétention, avoir acquis une certaine expérience, tu vois. Et si tu veux incarner un personnage comme Tonton, parce que Tonton est un personnage que j'incarne, en fait, ça me permet de véhiculer plus facilement, tu vois, certains messages. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, donc c'est pour ça que je disais, qui est Cool 16, qui est Tonton? Parce qu'en fait, de ce que je comprends, les deux n'ont pas commencé le rap en même temps. Cool 16 a commencé en premier, en Martinique. En fait, il a commencé avec Neki, pas qu'à faire la fête. Ok. Et par la suite, moi, je suis parti vivre en métropole, où j'ai poursuivi ma carrière sur le territoire français. À la base, j'étais là pour les études, mais bon, les études, je les ai pas rattrapées. Je les ai perdu en chemin, la musique, tu vois, elle m'a détourné. Ok. Et bon, tu vois, c'est un peu long, donc je résume. Et par la suite, tu vois, en voulant faire ma première mixtape, en fait, que j'ai coproduit avec Neg Lyrical, qui s'appelle La Caille Tonton. Saison 1. Voilà, saison 1. Et ça, si saison 1, ça veut dire qu'il y aura une saison 2, donc tout ça, on verra pour tout à l'heure. Donc c'est là que j'ai donné naissance au personnage de Tonton, tu vois. D'accord, c'est vraiment sur que ce personnage-là, et je l'ai imaginé que j'ai essayé d'en faire un concept. Donc ce qui est intéressant, parce que dans ce que tu dis, on voit que le personnage Tonton est associé à une certaine maturité par rapport à la musique et tout, ouais. Mais en même temps, c'est aussi autobiographique. Voilà. Mais en même temps, donc, on voit Style Grand Homme, Tonton, on s'attend au grand frère qui donne les conseils. Et l'album, en plus de s'appeler Opération Red Fire, est sous-titré La Cuite du Siècle. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce paradoxe? Voilà. Si c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, parce que Tonton, c'est un personnage qui, pour moi, comme tout être humain, est rempli de paradoxes, tu vois. C'est-à-dire qu'au pays, j'ai une pièce non ma sous la tête, qui est tout blanc ou bien qui est tout noir. Qui est tout gentil ou bien qui est tout méchant, toujours, tu vois, toujours ni en certain équilibre. En fait, l'harmonie vient de l'équilibre. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu sais que tu es un homme et que tu as des défauts et des qualités, si tu te prends la tête, tu vois, à n'utiliser que tes qualités et à être conscient de tes défauts, tu vois, il y a un équilibre qui se crée, tu vois. Et ben pour moi, c'est ça, Tonton. Tonton, c'est un individu comme les autres. Il a des mauvais côtés et des bons côtés. Parmi ces mauvais côtés, il y a le fait qu'il boive. Maintenant, ça ne fait pas l'apologie de l'alcool, tu vois, je le dis tout de suite. Tu vois, si j'ai appelé ça la cuite du siècle, c'est parce que le personnage Tonton, dans l'histoire que je raconte dans cet album, tu vois, il s'est pris une cuite et de là, il dit certaines choses. Tu vois, sous l'effet de l'alcool, il réagit à certaines choses et il dit certaines choses. Maintenant, ces choses-là, elles ne sont pas à prendre, tu vois, comme des messages qui incitent à aller boire de l'alcool. Ou autre connerie, tu vois, c'est pas du tout ça, tu vois. Parce que effectivement, quand on écoute l'album, donc on rappelle Opération Red Fire, l'album sort demain. Ouais, il sort demain. Demain sur les plateformes de téléchargement. Sur les plateformes de téléchargement légales. Donc on a eu, l'occasion d'écouter les titres de cet album. Donc comme tu disais, je retiens par exemple deux titres comme Trop Ciré ou Tifré Moins, ouais. Où tu t'adresses donc aux petits frères, aux plus jeunes de manière générale. Ouais. Donc on va dire que c'est les conseils du tonton, mais peut-être sans l'aspect moralisateur, puisqu'il y a justement ce côté de celui qui est passé par là. Voilà. Et aussi, je sais pas, une couleur un peu street dans ton rap. Je sais pas si tu as cette impression, si tu le revendiques. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas pu écouter la mixtape La Caille Tonton, tu vois, parce qu'il faut faire le pont entre les deux, tu vois. C'est-à-dire que ils seront peut-être surpris par ce côté-là un peu sombre, tu vois, alors qu'ils ont peut-être été habitués à quelque chose. Ils ont peut-être pensé que je ferais des choses peut-être un peu plus humoristiques, tu vois, qui seraient un peu plus marrantes. C'est marrant, mais n'oublions pas, la vie, c'est pas on rit tous les jours et on pleure tous les jours. C'est comme je disais, c'est ce mélange qui fait toutes les palettes de couleurs qu'on peut décrire en tant qu'artiste. Tu vois. Et moi, ce que je veux dire, en fait, dans la cuite du siècle, il faut expliquer aux gens que si j'appelle ça la cuite du siècle, c'est parce que Opération Red Fire, c'est le premier volet, en fait, d'un album qui serait une trilogie. Et que, donc, le premier volet va s'appeler, donc, s'appelle la cuite du siècle. Le prochain volet, lui, s'appellera la désintox. Et le troisième volet, lui, va s'appeler la rechute. Tu comprends? Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que, si tu veux, en construisant mon personnage comme ça, j'ai voulu rendre hommage à un artiste dans le rap qui m'a marqué quand je l'écoutais, c'est ODB de Wu-Tang. Okay. Tu vois? Je n'ai pas retenu que l'alcool et la drogue chez lui, mais j'ai retenu surtout la folie, la façon d'agencer les mots, sa façon de rapper, sa façon d'exprimer ce qu'il avait sur le cœur, en fait. Ça m'a beaucoup parlé, tu vois. Et c'est ça que j'ai voulu aussi rendre hommage, que j'ai voulu présenter dans cet album. C'est vraiment un hommage à toutes les influences que j'ai pu avoir, tu vois, depuis 20 ans que j'écoute du rap, que j'en achète et que j'en fais, tu vois. C'est une manière de montrer, bon, voilà, les couleurs... qui ont construit tonton, qui ont coloré tonton, qui ont façonné tonton, eh ben c'est ça. Dans le morceau qu'on a écouté, La Caille Tonton, il y a une phrase qui concernait peut-être les rappeurs, mais je pense qu'elle s'étend un peu à, enfin, comme on disait, parler à la jeunesse. Ouais. C'est quand tu dis, ça nous a fait, c'est ça qui l'en mode jeudi. Ouais, c'est ça qui l'en mode jeudi. Donc ce qu'on a déjà fait, c'est ce qui est à mode aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux étendre un peu là-dessus pour justement qu'on dit, les conseils que tu donnes, c'est peut-être à des jeunes qui font ce par quoi tu es déjà passé, etc. Ouais, disons que c'était une petite pique, une petite côte de nez, comme on dit, tu vois, que j'ai envoyé. Tu vois, si tu veux, pour donner un exemple imagé, tu vois, les snapbacks. Tu vois, les snapbacks sont à la mode aujourd'hui. Les snapbacks, c'est les casquettes que nous, on portait dans les années 80, début 90, tu vois. Devant revenir certaines choses comme ça, reprises par des gens qui n'ont pas toujours connu cette culture, qui n'ont pas toujours vécu cette culture, qui pour moi ont récupéré cette culture, il fallait que je leur lance une petite côte de nez en passant, tu vois. Et pas uniquement dans ce sens-là, il fallait aussi que, tu vois, les plus jeunes qui n'ont pas eu accès, tu vois, forcément à cette culture que nous, on a vécu, parce qu'on a été acteurs de cette culture-là pendant il y a 20 ans, eh ben, qu'ils aient l'information, qu'ils sachent que, bon, voilà, tu vois, ça n'a pas été créé, quoi. On ne fait que refaire ce qu'on a déjà fait. Dans Tifré moins ou Trop ciré, donc tu t'adresses aux jeunes, mais il y a un morceau, je pense, qui est aussi intéressant, où en fait, c'est Typical Féfé qui s'adresse à toi. Ouais. Je crois que c'est le morceau gros, ouais. Comme si il jouait le tonton du tonton. Le tonton du tonton. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire que Typical, dans ce morceau, où je parle d'une rupture sentimentale, enfin des effets de la rupture sentimentale, voilà, là je montre le tonton qui n'est pas parfait, qui a des défauts, qui déconne, et la petite leçon à retenir, c'est que voilà, il y a toujours des conséquences. Les conséquences, ben voilà, il faut savoir les assumer, et souvent qui qu'on soit, ben on peut avoir besoin de quelqu'un qui soit avec nous pour nous donner un conseil, ou bien nous mettre une claque derrière l'esprit pour nous remettre dans le droit chemin. Ça c'est le rôle qu'a joué Typical Féfé dans ce morceau. Justement. On va caler ce morceau-là. Le morceau s'appelle Gros Poil. Gros Poil. Juste une petite question avant de l'écouter. Donc pour préciser, Gros Poil, bon, pour ceux qui ne parlent pas créole... Ouais, pour ceux qui ne parlent pas créole... Qu'est-ce qu'un Gros Poil? Alors, Gros Poil, littéralement, Gros Poil veut dire chagrin d'amour. Voilà, quand tu as perdu la femme de ta vie ou fille, quand tu as perdu l'homme de ta vie, si tu te sens pas bien, tu as des certaines réactions, tu as certaines façons, une façon de voir le monde à ce moment-là, tout en noir. Voilà, je parle de ça. Ok, on va écouter ça tout de suite. Cool 16 featuring Typical Féfé, Gros Poil. Waouh, bah échoue. On va écouter mon message là. On va écouter ça. Alors c'est ça, on va fermer. C'est ça, on dit, bon, la porte fermée. On la rit et puis tout ça fermé. On l'en met moins, on fait papier qui matche. Vous pouvez aller, hein? On j'a fait patcher ou piquer, matcher moins. tout à l'heure on rete là et puis on descend. Conti moi mais qui sont gâteau en 25 décembre. C'est là on songe l'eau des aimes mais t'es gâté en chirou. A chaque mai on se en bail ça t'es gâté en environ pour qui toujours tchat. Chaque samedi on souhaite. Les dimanches malades qu'on chien en force y cabouet. On pas jamais lever l'en main en l'air ou même pas en bas foutant. Ou peut-être mais parce qu'on pas tenir en taf. On qu'a vivre la nuit à cause de ça ou pas s'adormir. M'en détrouver moi à dans un gros flac vomi. Tu fais des conneries, moi ça me fait pas rien. Et c'est pas moi que tu vas raconter toutes ces putains d'histoires. Ah bon. Ton style et ta vibe, ça on a assez de cette carton live. Outre style, il faut que tu te calmes. Ça on outre style, il faut que tu te calmes. C'est pas qu'elle n'aime pas ton style et ta vibe, ça elle en a assez de cette carton live. Ça on outre style, il faut que tu te calmes. Outre style, il faut que tu te calmes. Mwen monte au ciel et puis fesse mwen ate. Gade mwen encore Bentley qui paraît te moter. On passe à garder en forme, on carroye tout côté. En douleur qui en tient mwen, quand rappelé mwen quand on faute d'asie. Côté love nous parti, on passe à même dire ou en prie. On prête l'esprit en cour yout qui privé friandise. Efface mwen dit la vie qu'on numéro à don pensable. A force en insupportable. On savait si pour tes bons trip, la caille nous c'est pas comic strip. Chiffre la pâte et cavine assez vite, alors il fait patience chérie. On peut vous sentir. C'est un peu troisième la bière. Un jour, mon bon sang. C'est ni un autre problème. On te cache chez travail de manière épisodique et puis en l'espèce de fatigue chronique. Ton son t'a dit monter de manière supersonique. Ton style et ta vibe, ça on a assez de cette carton live. Outre style, il faut que tu te calmes. Ton outre style, il faut que tu te calmes. C'est pas qu'elle n'aime pas ton style et ta vibe. Elle en a assez de cette carton live. Ton outre style, il faut que tu te calmes. Outre style, il faut que tu te calmes. Ça t'es que bien, c'est toi qui apprends en conduite. Arrêtez de boire et puis de fumer. C'est net ça en l'onnit. Et puis les gars, pour faire n'importe qui ça. Pendant temps, c'est où qu'on caille là tout seul qu'on patche les sales. Regardez ça. Monsieur Aloye Kaila, c'est pas bon moi pour quitter toute facti. T'as dit pas les factices, t'es qu'à chanter bon moi tous les jours qu'on rengaine. Ça qui côté en tchon tout total là, c'était rancune. Ton style et ta vibe, ça on a assez de cette cartoon life. Cool 16, typical Fefe, yeah. Groupe Well, mm-hmm. On en a assez de cette cartoon life. Comme on dit typical Fefe, on va parler un peu musique. Mm-hmm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent Kool Sez, on peut déjà noter que tu as un style assez atypique, notamment en termes de flow, ouais, de voix. Je voulais savoir d'où ça vient. Est-ce que dès que tu as commencé à prendre un micro à l'époque, il y a 20 ans, mm-hmm, le flow est sorti comme ça, d'où ça vient et quel retour tu as du public? Parce que j'imagine, surtout en étant sur Paris, en France, ouais, où il y a une approche, on va dire, parfois un peu stéréotypé du rap. Tout à fait. Ça peut interpeller, ça peut... Donc, quel retour tu as eu par rapport à ça également? Comment t'expliquer? Dis-toi que je suis peut-être un des MC qui a appris le rythme après avoir commencé à rapper. C'est-à-dire que j'ai commencé à rapper souvent... j'abordais le rythme d'une façon qui était un peu plus qu'atypique. Hein, mm-hmm. On peut même dire ça, tu vois. Et si tu veux, après, j'ai vraiment appris vraiment, tu vois, ce que c'est qu'un cycle, quand les mesures, respecter le rythme, tu vois. Et si tu veux, ça m'a aidé à canaliser des débordements d'énergie, de l'enthousiasme. Ou, tu vois, quand on est jeune MC, tu vois, on en met un petit peu partout. Ben, j'étais un petit peu comme ça. Et si tu veux, après, on m'a remis droit. Et en me remettant droit, si tu veux, ben, ça m'a aidé à canaliser ça, quoi. Si tu veux, ce qui fait que j'aborde souvent le rythme d'une manière qui est pas, qu'on peut qualifier d'original, tu vois. Et qui, malgré tout, reste hip-hop, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, mes influences, c'est les gars de l'ancienne école, quoi. C'est des gars qui étaient vraiment droits sur le beat. Mm-hmm. Et en même temps, mes deux principales influences vraiment majeures, c'est des gars qui font ce qu'ils veulent avec le beat, tu vois. Ouais, donc quand tu parles d'ODB, ouais, ODB et Busta Rhymes, tu vois, okay. C'est les deux MC que j'aime le plus. Et quand on les connaît, on sait que voilà, c'est des MC qui font ce qu'ils veulent avec le beat, tu vois. Mais en plus de placement, donc tu disais de suivre les cycles, ouais, etc., il y a aussi l'aspect de la voix, parce que comme on a entendu dans le morceau à l'instant, donc le gars qui rentre chez lui un lendemain de un matin de gueule de bois. Gueule de bois. Voilà, on sent aussi dans l'interprétation qu'il y a ce côté-là presque de comédie que oui. tu mets aussi dans le donc ça c'est la scène qui m'a aidé à, qui m'a aidé à ça en fait parce que si tu veux dans la musique j'ai eu un parcours vraiment particulier c'est-à-dire qu'avant de faire des albums des mixtapes ou quoi que ce soit j'ai commencé par la scène tu vois j'ai commencé à travailler avec un DJ qui s'appelle Free DJ et on a beaucoup tourné ensemble après on a dans les années qu'on suivit, on a monté un groupe ensemble pour pouvoir tourner sur scène, faire beaucoup de scènes. Pendant près de 8 ans, on a fait que ça, que de la scène, de la scène. Et la scène, en fait, là où c'est important pour tout artiste, quel que soit son bord musical, c'est que ça t'aide vraiment à interpréter tes morceaux. Tu vois, pas juste les chanter, ou pas juste les rapper, ou pas juste les DJ. Vraiment, tu t'apprends à les incarner. Puisque là, tu es vraiment en face du public et ils n'entendent pas que ta voix, ils voient ta gueule aussi, tu vois. Donc, il faut que tu exprimes certaines choses et ça, avec la scène, c'est la meilleure école. On parle de la scène. À l'instant, on a entendu un featuring de Typical Fefe. Il y a aussi des artistes comme Mantoff, comme ouais. Charlatan sur l'album. Ouais. Donc, une bonne place à des invités reggae dancehall. Oui. Je sais que tu as fait également beaucoup de systèmes, voilà, de choses comme ça. J'ai fait des petits détours parce que bon, si tu veux, moi c'est une musique qui m'a aussi beaucoup, qui m'a touché en même temps. Si tu veux, j'ai pris une calotte hip-hop sous la joue droite, une calotte reggae sous la joue gauche, tu vois. Et en Martinique, faut savoir que nous, nos premiers lives, la première fois que j'ai tenu un micro sur une scène. C'était à l'occasion de son système. Tu vois, il n'y avait pas encore de concert vraiment hip-hop, avec l'étiquette hip-hop comme il peut y en avoir encore très peu aujourd'hui, mais bon, il y en a quand même, tu vois. Ces deux musiques-là, elles sont plus que cousines au pays, tu vois. Elles sont vraiment sœurs, elles ont grandi ensemble, là. Les deux plantes ont poussé ensemble, tu vois. Et ça aussi, ça a imité mes influences. Mais j'avoue que j'aime beaucoup le dancehall. Mais je mourrais pour mon rap, tu vois, voilà. J'ai fait des petits détours, tu vois, j'ai cherché, tu vois, artistiquement on se cherche, tu vois. Mais dans une scène un peu plus hip-hop, il y avait notamment les concerts organisés par Neg Lyrical à la Bracadabar, ouais. Où fin 2012, c'est il ça. Me semble, quelque chose comme ça. C'est ça. Je t'avais vu présenter certains titres de l'album. Ouais. Qui était présent. Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, c'est de voir à quel point, bon, mais déjà, tu as planté le décor avec le personnage sur des titres comme Basket Addict, etc. Ouais. Et le public, qui était quand même très varié, il n'y avait pas que des Antillais, que des créolophones dans la salle, ont vraiment adhéré à ce concept, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas encore développer sur scène comment, ah, par oui, rapport à l'album? Oui, si tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, sans dévoiler trop de choses, tu vois, Opération Red Fire, c'est un album où on trouve pas des morceaux, on va dire, rap classique. Tu vois, c'est vraiment le pour coller à mon concept, j'ai vraiment voulu mettre le doigt et appuyer très fort sur le storytelling. Tu vois, la plupart des morceaux, ce sont des histoires. Qu'elle soit vécue ou non, c'est pas ça qui est important. C'est que je préfère prendre le rôle du conteur qui raconte l'histoire. Après, tu en fais ce que tu veux, tu l'interprètes comme tu veux et tu en tires les leçons que tu veux plutôt que le rôle du donneur de leçons. Ça, c'est un peu un rôle qui me fait peur. Tu vois. Donc, tu parlais des premières scènes en Martinique. Ouais. Je sais que tu es installé sur Paris. Ouais. Est-ce que quel contact avec le public martiniquais tu as? Très peu. Très peu, parce que pour l'instant, Tonton, c'est quelqu'un qui est assez casanier. Donc pour l'instant, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de scènes. J'espère que ça va changer à l'avenir, parce que tu vois, comme je t'ai dit, c'est un album que je vois sur scène. Parce que pour moi, c'est un album que on peut l'écouter chez soi, soit, mais ça peut être intéressant de voir ça sur scène. Et j'appuierai encore plus sur l'album suivant, tu vois. C'est sûr. Pour parler de musique et un peu découvrir tout l'univers de Kool Seize et pas juste ses morceaux à lui, on lui a demandé de nous ramener quelques sélections. Et donc, il nous a ramené quelques sons. On va en écouter trois, quelques extraits. D'abord, ce sera Bismarcky, le titre Vapors. Ensuite, Redman, Can't Wait. Et on terminera avec A$AP Rocky, le titre Peso. Si tout est bien calé, on balance ça tout de suite. Radio, TV, and even the press, say what's the meaning of VAPORS. The meaning of this word without no doubt. Means nobody wanna be that when you're down and out. Now when you're established and got a lot of money, everybody wanna be your buddy and honey. Like tall buildings they call skyscrapers. Can you feel it? Nothing can save ya, but this is the season of catching the vapors. And since I got time, what I'm gonna do is tell you how they spread it throughout my crew. Well, you all know T.J. Swan, who sang on my records. Make the music nobody beats the biz, well check it. Back in the days before this began, he used to try to talk to this girl named Fran. The type of female with fly Gucci wear, with big truck jewelry and extensions in her hair. When Swan tried to kick it, she always fessed, talking about, baby please, you work for UPS. They got these niggas thinking they bionic. They better get the hell off that gin and tonic. Bring the blues, I shatter and batter crews. Can't lose, bad news. Don't snooze on the 30 shot. Who's on my hip when I leave my residence? Get me fed, I spit lead, leave you dead like presidents. Shit is silly, bust the sequel. I'm running from the cops and still gotta watch for my own people. Stress leads me down the path of red rum. Smart enough, get some, bad enough, take some, want some, need some, fuck around and bleed some. Don't get dumb, I beat that ass like a drum. Hostility is building on a daily basis. Sick of all the nonsense, save the mean faces. I ain't scared of you, my Glock erases wrinkles, leaving expresses of pain. Can't think with a bullet in your effing brain. I hop, skip, and jump bail. I ain't going upstate again, I'm in the alley. I be that pretty motherfucker. Harlem's what I'm reppin'. Tell my niggas with the bitch and we gon' make it in a second. Never disrespected. Plus I'm well connected with this coke that I imported. Just important as your president. Swagger so impressive. And I don't need a necklace, but these bitches get impressed when you pull up in that seven. Them sixes, them Benzes, I gets the freshest. Rap Simmons, Rick Owens, usually what I'm dressed in. Blowing blunts, rolling doobies. Vous êtes connaisseurs, vous aurez reconnu qu'il ne s'agissait pas en deuxième de Redman, mais de Nine. Mais ça fait toujours partie des sélections en fait. Que ah tu oui, nous tout à fait. Est-ce que tu peux Bismarcky, Nine, Asaproki, voilà, ces trois sélections-là, je les ai choisies parce que pour moi, elles représentent vraiment trois époques bien différentes. Et quand on écoute bien, ben, je trouve que c'est des choses qui ces trois morceaux-là représentent des choses qui me ressemblent beaucoup. Dans le Bismarcky, quand on écoute son flow dans ce morceau, tu vois que le gars il raconte une histoire. Tu sens dans sa façon de poser que voilà, il y a une histoire qui est racontée. Ça, c'est des choses qui m'ont influencé. Nine, les MC à voix épaisse, gras et puis épais comme ça, ça c'est Busta Rhymes, ODB, des gars comme lui, tu vois, ça a encore été des influences pour moi. Et ça c'est aussi des MC qui ont marqué des époques dans le rap, tu vois. Et Asaproki, c'est parce que c'est la nouvelle génération, moi j'aime beaucoup, je trouve ça original, je trouve ça frais. Je trouve qu'ils reprennent, tu vois, ça me permet de faire un point avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, que ça nous a fait chez Sakil en mode jeudi, tu vois, tu vois, que ce qu'on a déjà accompli, c'est ce qu'il y a à la mode aujourd'hui, ben c'est exactement ce que je disais, tu vois, c'est de voir ces petits jeunes-là, qui eux ont le background derrière, qui reprennent ces choses-là, qui reprennent les mêmes délires, qui les remettent au goût du jour, ben il faut dire que nous, avec le rap, c'est exactement ce qu'on fait, tu vois, quand on prend un sample, on prend un morceau ancien qu'on remet au goût du jour, tu vois. Ben voilà, pour moi, il n'y a pas plus hip-hop que ça, quoi. Ben c'est intéressant parce que, donc, comme tu as dit, trois époques, presque années 80, années 90 et années 2010. Ouais. C'est intéressant que tu prennes un petit jeune comme Asaproki, parce qu'il y a quand même une forte tendance chez les plus anciens ou chez les aujourd'hui en France de dire que c'était mieux avant et qu'aujourd'hui il y a rien de bon qui sort. Pas chez moi, hein. Je vous dis ça tout de suite, pas là qu'aille tonton, hein, parce que franchement moi je suis partisan, si on pouvait faire des t-shirts le rap c'est mieux maintenant, j'en porterais, et même des suites, tu vois, parce que je trouve que non, le rap, c'était pas mieux avant, quoi. Parce que le rap, il avait un peu un balai dans le cul. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Et qu'aujourd'hui, on se permet d'aborder tous les sujets. Il y en a. Si vous voulez, moi, j'ai grandi avec plusieurs palettes de rap, tu vois, il y en avait pour tout le monde, tu vois. Si tu voulais du rap militant et instructif, t'écoutais Public Enemy, tu vois. Si tu voulais t'amuser, t'écoutais. Si tu voulais la rue, t'écoutais Big Daddy Kane, tu vois. Si tu voulais t'amuser, t'écoutais. Et t'instruis en même temps, t'écoutais De La Soul, tu vois. Ou Kid and Play, si t'avais juste envie de t'amuser seulement et puis pas de t'instruire. Tu comprends, il y en avait pour tout le monde et ça dérangeait personne. Je vois pas pourquoi aujourd'hui, parce qu'on est en 2013 ou dans les années 2000, que le rap s'est, on va dire, entre guillemets, démocratisé et que c'est devenu plus facile de faire du rap parce que voilà, il y a les home studios et compagnie, patati patata. Il faut arrêter de croire que voilà, quoi, il faut que les. Moi je suis d'accord, il faut accepter le changement, tu vois. Il faut accepter l'évolution. Bon, il y a des trucs qui sont négatifs, il y a des trucs qui sont positifs. Il faut savoir faire le tri. Le Massif n'est pas une bande de moutons attardés, tu vois. Je suis partisan de croire que tout le monde a un esprit qui sait s'en servir, tout le monde a un esprit critique, tout le monde a des goûts. Donc voilà, non. Mais pour autant, sur l'album, donc en plus de parler aux petits frères pour la vie de tous les jours, tu parles aussi aux jeunes artistes avec un morceau comme Django. Ouais. Qui parle un peu de désillusions vis-à-vis du milieu de la musique. Oui, tout à fait. Selon ce que j'entends. Oui. Toi, quelles ambitions aujourd'hui tu as avec ton album, avec la musique, vu que tu as aussi cette expérience qui te permet de ne pas voir que les étoiles, quoi. Pour être honnête avec tout le monde, moi, franchement, si je fais de la musique aujourd'hui, c'est pour pouvoir. Si je continue encore à faire de la musique, tu vois, c'est parce que j'ai des choses à dire. Que j'ai envie d'installer un univers, que je pense que cet univers-là, il peut être intéressant, que ça peut apporter quelque chose en plus au rap créole, tu vois, qui sans être sans prétention aucune, hein, tu vois, honnêtement, c'est apporter une petite couleur en plus. Et ce que j'aimerais pour la suite, si mes ambitions personnelles sont des ambitions qui sont hors musique, à mort, c'est-à-dire que j'aimerais que la musique me donne les moyens de faire ce que j'ai en tête et qui n'a rien à voir avec elle. Vraiment, quoi. C'est mon ambition. Parce que, comme j'explique dans ce morceau, tu vois, on illusionne beaucoup les jeunes, tu vois, en leur faisant croire que, un, le rap, c'est facile, qu'on peut se faire des millions, qu'on peut rouler, qu'on peut vendre des millions d'albums. Non, pas tous. Et que si tu as du talent, utilise-le à bon escient, mais surtout, n'oublie jamais de te mettre une petite sécurité, ou de travailler une seconde corde à ton arc qui peut te permettre de vivre de ta passion, si la musique c'est vraiment ta passion. Et pour moi c'est une passion, tu vois, la musique. Moi je me suis jamais enrichi avec la musique et franchement je m'en fous, tu vois. Je vis pas mal, je mange bien, voilà, je dors pas dehors et ça me permet de faire ma musique avec passion. C'est de la passion, quoi. Depuis que j'ai 17 ans, c'est de la passion, quoi. On a parlé influence musicale, différentes couleurs. On va dire que sur l'album, il y a autant des beats un peu plus boom bap, ouais, que même des sons plus synthétiques comme sur Garde ça pour toi, ouais, ce que j'ai entendu. Oui, tout à fait. Et aussi une vraie présence de samples locaux. Mm-hmm. Du mm-hmm. coup, je ne sais même plus si c'est ce qu'on avait prévu, mais j'aimerais bien qu'on s'écoute à l'ancienne avec Mantoff en featuring. Ouais. Et parce que justement, ouais, on parlait, voilà, d'apporter une petite couleur au rap créole. Est-ce que tu peux nous parler très vite fait des beatmakers qu'on retrouve sur cet album? Alors sur cet album, on retrouve Neg Lyrical en la composition de quelques morceaux de l'album. On retrouve des beatmakers comme DJ Tony Blanc sur le morceau qu'on va entendre, si c'est bien celui-là qui va arriver, qui s'appelle Soirée à l'ancienne avec Mantoff. Sinon, il y a un FKR que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps par l'intermédiaire de Connexion, qui s'appelle Ndekova Boava. Lui, j'ai pensé à lui pour le prochain opus. Mm-hmm. C'est lui qui a fait Django. C'est lui qui a fait Django. Et également, pour n'oublier personne, Boogie Fla sur le titre T-Frame. On s'écoute ça tout de suite, Soirée à l'ancienne. Ouais, gars, ça m'a parlé là, on se fait, ouais. Je me suis mis pas seul, pendant le match de pop. Souya, pap, pap, pap. Faut de m'en aller. Faut des jambes, la plus en fait ta main, faut le fait main. ça vous comme moi, mafia. Pas joué, mais mon soeur. Bobo la poupa passe. Staille à l'ancienne, pantalon à peste, chemise ouverte, col qui dépasse. Chez Lolo, gourmet, crème en Adidas. Vieux pop, pas salé, sinon le nuque qui est mal venu. Poulet en prenant les seins, trop tout qui se sort. Remis monté à dans 20 mètres. Oui, garçon, avec glaçon. Pas qu'à boire la bouteille, style, mauvais garçon. Pas nous les pour nous passer, nous qu'à faire songer les pop. Ou pas tenir l'âge bouteille à y danser. Tout au clé, bon, tout pas. Ou qu'est mon gros pour Michael Jackson. Ou qu'est ni plus style, ni pesti bonhomme fashion. Taille pour son action. Faut qu'on révise les classiques. Mon négo, non, t'es qu'à boire les glacés. On t'a regardé plein. Changer, tout ça changer. Nous pas qu'à arriver, qu'à prendre en pied. Nous qu'à souhait, nous qu'à danser. Qu'on grand moun entend la paillante. Messieurs, ça dangereux. Actuellement, physique premier qu'à parler. Américain, Jamaïque, tout moun en yé. C'est yé qui gonne chante avec Baksha. Pas besoin pour yé gris, mon fille. Démarrer Fidji ou confie. Pas fini, dis-moi, mon pas sous la liste. Depuis bon caille moi, on zawe moi si la pisse. Pas chercher nous moi encore, pas sans en dit-on. Qui ça nous passe à payer caille là parce que nous en fils. Je mets en bas là, on peut payer un coup. Et puis après pas venir dire moi comment jouer encore. DJ, pas mettre nous à la fête. Jouer la perfecte et puis fal fête. Tectonique à ma mal tête. Mademoiselle, s'il vous plaît, voulez-vous danser? Pas dit moi, on y mal pied, tirez soulier. Moi pied nico, au jeune mon à tes café. Et puis la tirer l'eau, et puis belle, et quand ça fait. Ou bien fait aussi ou pas qu'à ouais. Moi si c'est bon gomme qui en l'air. Changer, tout ça changer. Soirée à l'ancienne, Cool 16, Montoff. Soirée à l'ancienne, Masalela, c'est Yankee Gunshot. Oui. Comme dit dans la chanson. Je voudrais qu'on aborde un petit sujet d'actualité qui je pense est très très important. Pour ceux qui ne savent pas, en ce moment même, ces jours-ci, depuis quelques temps, Guadeloupe et en Martinique, chaque jour, un fait divers, un meurtre, beaucoup de drames. On a entendu au tout début de l'émission donc un inédit de Williams Café qui tenait à dire « Prends et coule ». Donc il avait sorti ce morceau qui ne collait pas forcément à son style musical au niveau du beat, mais il voulait faire un titre qui parle aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense que dans ton album, c'est quelque chose qu'on entend aussi, mais d'une autre façon. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je voulais avoir un peu ton point de vue donc, sur toute cette escalade de violence, puisque c'est quand même le sujet qu'on retrouve sur des titres comme « Tifferais moins », même « La soirée à l'ancienne ». Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, moi, ce que j'en pense, ça, c'est violent. Je vous préviens tout de suite, ça, c'est violent. C'est-à-dire que pour moi, je suis de la génération qui a vu... Je fais un parallèle, hein, vous allez comprendre. Je suis de la génération qui a vu le crack arriver en Martinique, n'intéresser aucunement les autorités, tant que c'était dans les ghettos, et qui, une fois que c'est arrivé dans certains quartiers privilégiés, là... Il y a eu il y a du crack en Martinique. Dis-toi bien que entre ces deux événements-là, il y a au moins 6 ans qui se sont déroulés. En 6 ans, il s'en passe des choses. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont le temps de s'installer. Il y a de la violence dans les rapports qui a le temps de s'installer, qui a le temps de grossir, qui a le temps de s'enraciner. Et après, pour arracher les racines, une fois qu'elles sont bien profondes, eh ben c'est chaud. En gros, c'est pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec la jeunesse du pays, sans juger personne, sans donner de leçons à qui que ce soit. Je sais qu'il le veut, un enfant, c'est pas évident, tu vois, au jour d'aujourd'hui encore plus. Et que les enfants, les jeunes, les youths, les petits neveux, les petites nièces, eh ben, ils sont pratiquement livrés, même avec de l'éducation, ils sont livrés à eux-mêmes dans le monde d'aujourd'hui parce que tout est accessible. Il y a des choses où, quand nous, on était plus jeunes, qui n'étaient pas accessibles. Qui sont accessibles en grand aujourd'hui, tu vois, pour des gens qui sont beaucoup plus jeunes, qui n'ont pas le recul, qui n'ont pas forcément été prévenus, informés, tu vois. Ce ne sont pas des victimes. Je ne dis pas que c'est pas leur faute. Il y en a aussi, bon voilà, tu vois, ils se laissent séduire. Tu vois, ils écoutent des choses négatives, ils voient des choses négatives et ils se laissent séduire. C'est pour ça que, tu vois, dans ma façon de dénoncer ces choses-là, eh ben, j'essaie de ne pas enlever ma part de responsabilité. Tu comprends? C'est-à-dire que je suis quand même conscient que si on exprime des choses que les youths ils écoutent, on ne sait pas comment quel travail ça va faire dans leur tête. Nous, on est plus vieux. Nous, on peut regarder un film violent, essayer de savoir prendre du recul. Ah, ce n'est qu'un film. Tu vois? Quand tu es plus jeune, ça te séduit. Il y a un truc, c'est comme on a dit dans l'émission... ce que je trouve intéressant dans ta façon d'aborder les choses, c'est que ce soit par le biais de l'humour ou le ton employé, je me dis, peut-être que c'est plutôt que de faire simplement la morale, un message, on va dire, qui pourrait être hermétique pour les plus jeunes. Oui. Mais il y a un autre sujet, comme tu as dit, pour moi, enfin, l'impression que j'en ai encore plus chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, je trouve que les jeunes aujourd'hui n'ont plus de second degré, n'ont aucun recul par rapport aux choses, ils prennent tout au premier degré. C'est normal, je pense. Mais je voulais, excuse-moi, juste savoir... comme tu as dit, tu ne fais pas la promotion de l'alcool, c'est pas ça ton message. Non, non. Mais avec ta pochette, parce que tu as un visuel, on va dire, un peu choc, c'est la cuite du siècle, etc. Mm-hmm. Est-ce que, bon ben, qu'est-ce que tu répondrais à d'éventuelles critiques sur ton message et ton l'image? Ben, je leur répondrai exactement ce que je dis dans La Caille Tonton. En fait, je leur dirais que cet album ne s'adresse pas à des adolescents. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, moi, ma musique, j'ai plus de 30 ans. Tu vois, je ne vais pas dans mon âge, j'ai plus de 30 ans. Je ne suis pas un gamin, donc je ne m'adresse pas aux gamins. Si je m'adresse aux gamins, je choisis mon angle pour le faire, tu vois. Mais moi, mon premier public, ce sont des gens qui sont déjà plus mûrs. Tu vois, ce sont des adultes. Ce sont des gens qui, pour moi, ont le recul. Tu comprends ce que je veux dire? Le rap que je fais, il a vraiment un second degré que tu ne peux pas forcément capter si tu as 14-15 ans. Tu comprends? Mmh. Tu capteras ce second degré si tu as une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, voire plus. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. Tu vois, je ne veux pas faire du rap de genoux à mon âge. Ce serait ridicule. Un autre sujet qui est certainement lié et qui est abordé dans l'album, c'est le matérialisme, notamment dans le titre « La chanson de l'homme seul ». Oui. Si on peut se caler cette chanson, « La chanson de l'homme seul oui. », qui est par rapport à tous les sons qu'on a entendus et aussi en français, ouais. Il n'y a pas que oui, du créole sur l'album. Il n'y a pas que du créole sur l'album. Est-ce que tu peux nous parler, pour nous présenter très vite fait cette chanson? Alors, ce morceau, il est né d'une grande colère un jour. En regardant les informations et en regardant surtout une chaîne que je ne nommerai pas, qui est la première chaîne du PAF. Et la façon dont on traite de la misère dans ce pays, ça m'a toujours énervé, ça m'a toujours choqué, tu vois. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu es dans la merde, tu es le seul. Tu es seul. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que j'ai appelé ce morceau la chanson de l'homme seul. Parce que une fois que, tant que tu as de l'argent, tu es toujours entouré. Tant que tu as de quoi fournir, tu es toujours entouré. Et puis une fois que tu n'as plus rien, bah, tu te retrouves seul. Et tu ne peux plus que compter que sur toi-même. Et si tu veux, cette chanson pour moi, c'est mon encouragement à tous ceux qui sont dans cette situation. La chanson de l'homme seul, Cool 16. Hey, putain, il fait froid. Va te foutre là, monsieur. C'est bon, t'as la caméra là? Vas-y, on y va. Donc voilà, bonsoir mesdames, nous sommes donc en direct de la rue, le siège des malheureux, et justement nous avons un d'entre eux au bout de notre micro avec quelques questions à lui poser. Bonsoir monsieur. Et bonsoir Raphaël. Eh bien, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations en ce qui concerne votre situation actuelle? Il faut qu'ils sont le sang. Le sens de la rue, c'est pas inversé, malgré la sueur et les larmes que j'ai versées. J'ai faim, j'ai froid, j'ai les lèvres chercées. Mais personne s'en aperçoit, ils sont tous pressés. J'ai un couteau, ils l'ont pas vu, ben je l'ai transpercé. J'en ai envie quand ils m'ignorent, quand ils me voient passer. Je chante la chanson de l'homme seul et ils veulent danser. S'ils savaient en un clin d'œil, je veux tout faire valser. Cette merde a commencé avec une montagne de dettes. C'était comme se lever chaque matin avec le même mal de tête. Avoir à se battre chaque jour, subir la même défaite. Ce qui autrefois m'aimait, faut sembler de pas me connaître. T'as quoi que c'est peut-être contagieux. Les gens croient que ça s'attrape, alors ils te fuient comme si t'avais chopé le das ou je ne sais quelle autre merde. Ils faisaient pas tant de manières que mon frigo était plein, que mon petit déj se résumait pas à une bière. J'étais fier, je leur en fous plein la vue toute la journée. Claquer du chiffre comme un artiste en tournée. Boire du cognac comme si c'était gratuit. Et puis un jour, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai repris mes esprits. Mes yeux se sont ouverts quand j'ai perdu mon taf. Quand ce flic qui me contrôlait m'a foutu une baffe. Et puis quand j'ai vu la vie d'expulsion dans ma boîte aux lettres, je voulais me jeter par la fenêtre. Le sens de la route c'est pas inversé, malgré la sueur et les larmes que j'ai versées. J'ai faim, j'ai froid, j'ai les lèvres chercées. mais personne s'en aperçoit. La chanson de l'homme seul, vous allez l'entendre bientôt, parce que j'imagine que c'est un son que tu vas mettre en avant. Ah oui, ah oui. Peut-être même clippé. Ah, peut-être même clippé, ouais, peut-être même clippé, là, parce que c'est, ce morceau-là, c'est comme... Tu vois, il y a des morceaux, donc quand tu fais un album, il y a toujours un morceau que tu aimes beaucoup. Il y a pas mal de morceaux que j'aime beaucoup, mais celui-là, c'est mon préféré. Et je trouve qu'il est très parlant et il interpelle. C'est, l'album s'appelle Opération Red Faya. L'artiste s'appelle Cool16, K2OL, plus loin S-A-Z-E. Allez chercher ça dès demain sur les plateformes numériques. Et on va terminer, histoire de te découvrir carrément live avec un freestyle. On rappelle que dans l'émission spéciale Hip Hop Créole, chaque dimanche de 16h à 17h dans Conelambi, on a la chance d'avoir beaucoup de sons de différents artistes, également de beatmakers. Mmh. Et pour l'occasion, Malkema nous a passé quelques beats de sa composition. Okay. Alors on va tout de suite entendre Cool 16, sans filet, sans préparation. Ah ouais. Sur un beat de Malkema, je te passe tout de suite le casque. Je te propose de venir prendre mon micro. Oh! Un petit peu de volume dans le casque, s'il te plaît. Oh! Oh! Yeah! Après pas contre les autres, mais ça doit pas jouer puis ça. Criez-moi toutou, si vous pas qu'à sauter ça, qu'elle fout tout à la page. Où j'apprends trop pris ta la caille tonton, rap créole, bagon, mec, ça qu'a couché ta. Rap, mais on s'avignon, l'eau qu'a dit qu'il y a des sens. Il rappelle pour la mémoire, rap, mais pas pour adolescent. Rap, mais qu'a dit la vérité, ne dis pas on la médite, y'a que brille tchou, si c'est ça, on mérite. La caille tonton, pas ni squatte, ça qui ni c'est des actes. Sous qu'a pris facile, ou qu'a passé en bas en tracté. On bico pour les chiffres, on sous le terre. Fais bon chiffre, ça nécessaire, ça pas un mystère. Ça qu'a brillé en l'homme, mais pas gardé, il peut qu'il tourne. On passe à qui ça, on fait, et puis l'homme, on pas de chaque mais sous prêt. Ah! Si, yépio, la caille, tonton. Foku, sati, bouchou, tonton. Fomé, riton, pani, piston. L'homme, tépio, la caille, tonton. Faux pan, carré, chocon, mouton. Suive tout, mouvement, suive le peloton. Entre, mécan, pouma, raton. L'homme, premièrement, ma main bon, en lisson, diction, en lisson, histoire, c'est pas science-fiction. En café rap des pions, paquet l'année, ouais, belle flé, fané, et tombé, ça pas pour l'année. Deuxièmement, bon, mais continuez, bon, on lit, ouais, rap la transformé, quoi, il a demandé à Tifi. On les fait chier, faut qu'à comprendre, yo, mais est-ce qu'à faut la peine, n'y casser, jambes, frère, yo. Troisième temps, ça change, on les arrive plus vite, yo, qu'à sauter les étapes. Yon qui tout vent, et qu'à se vler à la suite, pas étonnant, yo, qu'à potap. Quatrièmement, pas qu'à faire, ça tout le monde qu'à faire, ça y'a qu'à faire, on parle ça, on s'en foutait. Cinquièmement, ça va connaître bon musique, bon mais en bas, c'est qu'on go kick, on peut foutre MC avec un trip. Sixièmement, bon mais en spliff, si fait la fumée pour éliminer les nocifs. 7 sur 7, y'a qu'à promote négatif, en bas, ben les gens, il n'y a un string constructif. Huitièmement, rap la jodie, pas constructif, en bas, qu'être rebelle, de toute la faute, on dépostiche. Neuvièmement, rap la pète, force, les changer, les décider, c'est y'a seulement qui est mangé. Tonton qui n'a moins bouga qui descend tout coco là. Ou peut-être passer après moi, on s'en fout avec Mike là. On s'en tout tonton pas là pour la tendance. L'esprit en l'eau colonisé, ta mange pour l'indépendance. Tonton qui n'a moins bouga qui descend tout coco là. Peut-être passer après moi, on s'en fout avec Mike là. On s'en tout tonton pas là pour la tendance. L'esprit en l'eau colonisé, ta mange pour l'indépendance. Yeah. Ah. Ah. Malkema, ça sent fucking bad beat, man. Yeah. Ça c'est la spéciale hip hop créole, Conelambi. Yeah. Ah. D'ailleurs, on a envoyé un spécial dédicace par RDS. Par toutes les bougas qui ont fait ça sans stress. On a envoyé un manier freestyle sans filet. Pour manier, on savent tout ton sans improviser. On dit au bouc, mais comme on n'a pas qu'à jouer. On a chébé Mike là, on n'a pas qu'à faire tourner. Parce qu'on a fumé tout, on a fumé tout, on a fumé tout. On tout, mon la tout, ou sans sa frère, l'en ka pas kapa, l'en ka pren, on pa kapren y tout, qui sa y pa écrit à son, en feuille papier, mado, improvisation qui la ka aller, ou sa, à donner une mission, yon invité, mais, pour parler dit, fucking album, mais le gars crié opération Red Fire. Maradou, nous c'est pour ça, car Chebe Mike là. Après, il est tellement chaud, quand vous passez à Chebe, il a brûlé. C'est que toi, mais on a la Jay. Et après, vous savez que tout le monde a viré point. Il a viré point, il a viré point, il a tiré un dit-on. Vous savez ça, c'est ça, vous savez ça, frère. Vous savez ça, boucle, mais l'on a fait, l'on a fait mieux. Alors, restez bien branché à sous 106.3. Tout ça, c'est mes rabats, yande, toi. En cas, check Mike là, la Jay Poirot là, pour dire boucle, mais de vous savez ça. Cool 16, Cool 16, opération Red Fire. L'album sort demain. Allez chercher ça, la cuite du siècle. On remercie Cool 16. C'était Cool 16 dans Conlambi. Moi-même, EDS, très content de recevoir chaque dimanche un acteur du hip-hop créole. Alors, je vous dis tout de suite, ben, à dimanche prochain, 16h-17h, avec encore d'autres invités. Je peux même pas les citer, mais il y en aura et ça sera de la qualité. À bientôt.